devant la marmée, stupéfiant. Commissariat sous pression, une question. T'as mis les pieds dans quel département? 9-4, va la baisse, on met le cap. Coupe ton 200 grammes en 4. Mets la chevrotine dans le 4-4. Qui est chaud? Qui veut repartir? Qui est chaud? Qui veut se faire trouer le caisson? T'as mis les pieds dans quel département? 9-4, va la baisse, on met le cap. Coupe ton 200 grammes en 4. Mets la chevrotine dans le 4-4. Règlement de compte sanglant pour le marché de la coca. La nouvelle star dans la région, dans la villa coca. La volaille traque, braque à domicile les vendeurs de coca. Et nous la nuit on encule Paris. Val de meurtre, val de braque, braque. Puis grave les armes au marché black, black. Je suis né à 21, je gagne au blackjack. Adepte du cardjack. King dit au keuf, mettre le barbac. Je suis avec le jerrycan sur le parking. Range ton sac, copine. On sème les keufs en footing. On aime les thunes sur la chatte à Chavez, sur la chatte à Poutine. J'ouvre les trous de balles en même temps que la compile. Crime et musique, frénésie, conflit. Frénésie, conflit. Terroriste, profit. Baisse l'octrice, c'est la crise. Baisse l'état, profit. On a des primaires en prison, disciplinaires. Y'en a qui sont prêts à tout perdre en une balle. On a des braves en centrale. Sur les bouteilles de bière, on s'entraîne. Sur les bords de Seine, Vitry sur Seine. Scène de crime à résoudre pour la ferroviaire. National 305, carte de CRS pour les clandestins russes, algériens ou roumains, c'est la mise au vert. Règlement de compte sanglant pour le marché de la coca. La nouvelle star dans la région, dans la villa coca. La volaille traque, braque à domicile les vendeurs coca. Et nous la nuit on encule Paris. Voilà marmée, stupéfiant. Commissariat sous pression, une question. T'as mis les pieds dans quel département? 9-4, va la PS, on met le cap. Coupe ton 200 grammes en 4. Mets la chevrotine dans le 4-4. Qui est chaud? Qui veut repartir? Qui est chaud? Qui veut se faire trouer le caisson? T'as mis les pieds dans quel département? 9-4, va la PS, on met le cap. Coupe ton 200 grammes en 4. Mets la chevrotine dans le 4-4.